20-31. Observation. Maître. Voyons, qu'est-ce que je mets? Hier, j'ai mis ma jupe rouge. Je n'ai rien à me mettre. Hemingway se mettait toujours à cette table. Je me suis mis en congé. Présent, je mets, tu mets, elle met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Passé composé. J'ai mis une jupe. Tu as mis une jupe. Elle a mis une jupe. Nous avons mis une jupe. Vous avez mis une jupe? Elles ont mis une jupe. Moi, je me suis mis en congé. Tu t'es mis en congé? Il s'est mis en congé. Nous nous sommes mis en congé. Vous vous êtes mis en congé? Ils se sont mis en congé.